Plus vous êtes large, plus vous êtes belle, Madame Turnblad. J'ai investi dans le dur. Il y a bien longtemps, ma fille, j'étais aussi. Toutes les portes, et le jour où je me suis enfin acceptée.